Chapitre 4. Souviens-toi. Le juge Hare était parti pour Londres, en compagnie de M. Rinner. Madame Hare, d'après l'invitation qui lui en avait été faite, était venue s'installer chez sa fille. Un soir, après le dîner auquel avait été présente Mlle Carlyle, Lady Isabelle, qui redoutait le regard perçant de cette vieille fille, prétexta un violent mal de tête et s'excusa de ne pouvoir se présenter au salon. Elle se rendit donc dans sa petite chambre particulière, où ne tarda pas à la rejoindre Madame Hare, qui se sentait pour elle une véritable sympathie. « Je suis vraiment désolé de vous savoir si souffrante, » s'écria l'excellente dame en allant s'asseoir auprès d'elle. « Merci, merci, madame, » répliqua Lady Isabelle. « Je me sens en effet très mal à l'aise ce soir. » Il y eut un moment de silence. Madame Hare contemplait Isabelle avec une attention soutenue. Elle semblait comprendre que les chagrins plus que les années avaient vieilli ce jeune visage, blanchi les cheveux de cette tête si belle encore, et instinctivement elle éprouva le désir d'entrer dans la pensée de l'institutrice, de connaître ses peines, ses douleurs, en un mot, les causes de son infortune. « Vous avez connu le malheur, » fit-elle subitement, d'une voix douce et pleine de sympathie. « Oh oui, j'ai connu le malheur, » soupira Lady Isabelle. « J'ai appris par ma fille que vous aviez perdu vos enfants, que vous aviez perdu votre fortune, le rang que vous occupiez dans le monde. Cela m'a ému, profondément ému. Je voudrais pouvoir vous consoler. » À l'ouïe de ces paroles empreintes de tant de douceur et de tendresse, Isabelle ne put maîtriser davantage son émotion. Elle jeta un cri douloureux et s'engloutit le visage dans ses deux mains. De grosses larmes ruisselaient le long de ses joues amaigries. « Oh !» s'écria-t-elle enfin d'une voix brisée. « Ne me plaignez point, ne me plaignez point, chère Madame Hare. Il est, » ajouta-t-elle avec un sourire amer, « il est des créatures qui sont nées pour le malheur. Nous sommes tous nés pour souffrir. Tous nous avons enduré des épreuves plus ou moins cruelles. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas échappé à la loi commune, et nul ne saura jamais ce qu'a éprouvé d'inquiétudes navrantes et de pénibles angoisses mon malheureux cœur. » « Oui, oui, » poursuivit Isabelle, exhalant tout haut maintenant ce qui fermentait tout bas en elle de tristesse et d'amertume. « Oui, mais il y a des douleurs qui n'ont pas de nom, des douleurs affreuses et cruelles qui ne tuent point, mais qui lentement vous rongent l'âme et le cœur, et devant lesquelles nous devons nous courber sans nous plaindre. Chacun ici-bas a sa juste part, soyez-en sûr, » continua la vieille dame. « Personne n'est à l'abri des épreuves. Ceux-ci sont, dès leur naissance, torturés par les douleurs du corps. Ceux-là ont l'âme travaillée par d'affreuses angoisses. Mais, » ajouta Madame Hare, de cette voix onctueuse qui pénétrait persuadée, « souffrir est une bonne chose, pour le chrétien du moins. Une souffrance endurée sans murmure et avec résignation, cela suffit pour émouvoir le bon Dieu et nous faire entrevoir après cette vie les portes du ciel. Ah, c'est là mon unique espérance, ma seule consolation à présent. » « Vous avez perdu vos enfants, » reprit Madame Hare. « C'est là, je l'avoue, une terrible épreuve. Mais qu'est-elle, après tout, cette épreuve, comparée à celle qu'endure la mère qui voit son enfant, l'enfant de ses larmes, grandir pour être déshonoré, évité de tout le monde, repoussé de la société? Ah, croyez-moi, nous avons tous une croix à porter, la vie est pleine de souffrances. » « Il y a des exceptions, cependant, » interjeta Lady Isabelle. « Il y a des existences qui semblent s'être épanouies sous un autre ciel que le nôtre, et qu'un nuage n'est jamais venu obscurcir. Je n'en connais point. Le bonheur parfait, veux-je dire, n'est pas de ce monde. Voyez, voyez, monsieur et madame Carlyle, ne sont-ils pas heureux ?» s'écria Isabelle d'une voix accentuée et profonde, dont le silence de la nuit doublait les vibrations mélancoliques. « Oui, madame Carlyle est heureuse. Je me plais à le reconnaître. » poursuivit madame Hare en souriant. « Rien, jusqu'à présent, n'est survenu pour troubler son bonheur. Mais vous vous trompez étrangement. Si vous pensez que M. Carlyle n'a jamais connu le malheur, il a été vivement éprouvé au contraire, vraiment. Sa première femme l'a quitté, elle l'a abandonné, lui et ses enfants. Oh, ce fut une rude secousse pour son cœur, car cette femme, il l'adorait, il lui avait donné tout son amour. À elle, dites-vous? Mais alors, Barbara? » Lady Isabelle avait à peine prononcé ces paroles qu'elle comprit combien elle s'était étrangement oubliée. Elle, une simple institutrice, osait appeler ainsi Mme Carlyle par son nom de baptême. Fort heureusement pour elle, Madame Hare ne parut pas s'apercevoir de cet acte de familiarité. « Barbara, » reprit-elle vivement, « n'avait qu'hérité de l'amour que Carlyle avait donné tout entier à sa première femme. Oh, c'était une bien charmante créature, cette Lady Isabelle. J'avais toujours éprouvé pour elle beaucoup de sympathie, et malgré ce qui est arrivé, je ne puis m'empêcher de l'aimer encore, par la pensée. Sa faute a excité la colère des uns. Elle n'éveilla en moi que la commisération la plus vive. C'était un beau couple, elle si séduisante, si gracieuse, lui si noble et si bon. Et elle a pu se résoudre à le quitter à l'abandonner, poursuivit Isabelle avec vivacité et désespoir. Elle a pu se résoudre à renoncer à tant d'amour et à tant de bonheur. Oui, mais n'en parlons plus. C'est un sujet de conversation trop triste. La faute, la terrible faute, commise par Lady Isabelle, a amené le bonheur de ma fille. Mais Lady Isabelle a souffert horriblement. Qu'en savez-vous ? S'exclama Lady Isabelle d'un ton plein de rage, tandis qu'un sourire sarcastique et plein de fiel agitait ses lèvres. Mais la mère, surprise, la regarda un instant sans répondre. « Quand une femme se laisse entraîner à commettre une pareille faute, » répliqua doucement Madame Hare, « peut-elle s'attendre à autre chose qu'aux remords les plus poignants ?» Lady Isabelle était d'une nature à comprendre promptement l'énormité de sa faute, à en regretter toutes les funestes conséquences. D'ailleurs, je sais qu'une fois sortie de son triste rêve, elle a eu la conscience bourrelée. « Qui vous l'a dit ?» s'écria l'institutrice avec un empressement nerveux. « Est-ce Francis Levison, est-ce lui ?»« Francis Levison. » avec dignité la vieille dame. « Pensez-vous donc qu'il eût osé me faire une telle confidence à moi ?»« Non, non, c'est de Lord Mountsavern que je l'ai appris. »« De Lord Mountsavern ?» répéta Lady Isabelle d'une voix chevrotante. « Oui, c'était un de ses parents. Il est venu ici passer quelques jours. Il nous a dit qu'il s'était empressé de se mettre à la recherche de Lady Isabelle dès qu'il eut appris qu'elle avait été abandonnée par Levison. Il ne tarda pas à découvrir l'endroit où elle s'était réfugiée, et quand il se présenta devant elle, il la trouva malade, malheureuse, le cœur brisé par le remords, l'âme anéantie sous le poids du repentir. Elle est morte maintenant, et j'espère qu'elle est morte réconciliée avec son Dieu. Et comment M. Carlyle reçut-il la nouvelle de sa mort? Je l'ignore. Aux yeux du monde, il sut conserver son air de dignité habituel. Nul ne put lire ce qui se passait au fond de son âme. Nul ne put soupçonner la douleur intime enfouie dans son cœur. Mais, ajouta vivement Madame Hare, comme si elle éprouvait le désir de changer de conversation, « il me semble que l'on doit être à présent au salon, et l'on va s'étonner de mon absence. »« J'irai moi-même m'en assurer, » s'écria Isabelle, qui ne cherchait qu'un prétexte pour s'esquiver et donner libre cours à ses larmes. Ce disant, elle quitta la chambre, et machinalement, elle se rendit au salon. Il n'y avait personne au salon. Le feu flamboyait dans l'âtre et la clarté des bougies répandait dans la pièce une douce lumière. Du boudoir situé à côté, il s'échappait les accords harmonieux du piano. Elle reconnut l'air. Elle fut sur le point d'entonner la romance, car cette romance, c'était la même qu'elle chantait autrefois, celle qu'aimait tant Carlyle. Lady Isabelle s'approcha discrètement et sans bruit du boudoir. Elle s'arrêta devant la porte, qui était entr'ouverte. Elle put voir alors et contempler tout à l'aise Barbara, assise au piano, et Carlyle qui se penchait vers elle, la main appuyée sur le dossier du tabouret. Barbara commençait les premières modulations de cet air langoureux et suave. Sa voix n'était ni aussi brillante ni aussi puissante que celle d'Isabelle, mais elle était agréable à entendre. L'institutrice écoutait les larmes au cœur. « Quand d'autres lèvres et d'autres cœurs te parleront d'amour, en un langage ému et tout plein d'enthousiasme, alors peut-être... » Elle ouïe de ses accents passionnés et tendres, le souvenir des jours passés, des jours heureux, renaîtra en ton âme. Alors souviens-toi, souviens-toi. Et Isabelle, le cœur doucement bercé par cette suave harmonie, retournait malgré elle aux premières et fraîches impressions de sa jeunesse, et la tête penchée en avant, les yeux à moitié fermés. Elle écoutait avec avidité ce chant si connu. La voix s'arrêta, les dernières notes s'éteignirent peu à peu, et un profond silence régna dans la maison. Isabelle, comme si elle sortait d'un rêve, porta autour d'elle un regard morne et triste. Barbara, de son côté, relevait vers Carlyle ses beaux yeux bleus rayonnant d'amour, et lui, Carlyle, s'apprêtait à l'enlacer dans ses bras. Isabelle n'en put voir davantage, elle s'enfuit à la hâte, et un soupir amer gémit dans l'angle obscur où elle alla se réfugier. Le dimanche suivant, il lui fallut accompagner la famille Carlyle à l'église Saint-Jude. Il lui fallut se résigner à voir Barbara occuper cette place où si souvent elle s'était assise auprès de Carlyle. Tant que dura le service, elle demeura immobile et comme pétrifiée, n'osant regarder autour d'elle, de peur d'être reconnue par quelques membres de la congrégation. Jamais le sermon ne lui parut aussi long. En sortant, elle dut suivre M. et Mme Carlyle, marchant à une distance respectueuse et en donnant la main à la petite Lucie. On traversa le cimetière. Elle passa forcément devant la tombe où reposait son père, sans pouvoir s'arrêter, sans oser même y arrêter ses regards. obligé de comprimer ses larmes, d'étouffer ses sanglots et murmurant tout bas. « Oh, que ne suis-je moi-même dans cette fosse? Et pourquoi suis-je revenu ici ?»